Vous êtes sur la radio Isanganiro, c'est le moment de suivre le journal en français de ce 13 juin, dont voici les grands titres. Un contrôle minutieux des médicaments périmés pour les enlever sur le marché va être fait par le département en charge des pharmacies et médicaments au sein du ministère de la Santé. Cela fait suite à la découverte d'une vente de médicaments périmés. Le président de l'association Albinos Sans Frontières indique que l'accès à l'éducation n'est pas facile pour les albinos du Burundi. Il a dit au cours d'une conférence organisée en ce 13 juin, qui est une journée internationale sur l'albinisme. Cela fait déjà 5 jours que le chef de la Ligue des jeunes, Imbonerakure, du sein des DFDD de la commune Gihanga, est disparu. Des informations en provenance de cette commune indiquent qu'il aurait été transporté à bord d'un véhicule à vitres teintées. À la fin de ce journal, vous aurez droit à la chronique santé qui va porter sur les oreillons. La mise en onde est assurée par Jean de Dieu Ndaisenga. Au micro, vous êtes avec Ali Dandaikeza. Bienvenue encore. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Une femme connue sous le nom d'Emeline Ndwarugira a été retrouvée morte sur la colline Muyang de la commune Mugina en province de Chibitoke. D'après des informations données par les administratifs de cette colline, cette femme aurait été étranglée par son beau-frère. Le directeur du lycée communal de Guiheta se dit confiant de bons rendements pour les prochains tests nationaux. Il dit cela après que son école ait été classée parmi les derniers lors de l'examen d'État de l'année passée au niveau national et que le ministère de l'Éducation ait sorti une ordonnance disant qu'une école qui ne va pas avoir 30% dans les tests nationaux, son directeur sera limogé. À la DCE Guiheta, il demande une augmentation des enseignants. Les détails avec Arthur Kavaouchi. Le lycée communal de Guiheta, qui vient à la 261e place sur le classement national de l'examen d'État de l'année passée, est classé parmi les écoles dont les directeurs se trouvent visés par la récente ordonnance ministérielle qui stipule que les écoles qui ne vont pas avoir 30% dans les tests nationaux, leurs directeurs seront limogés. Le directeur du lycée communal Guiheta, Nakarutimana Leondas, fait savoir que cette année, ils ont essayé de bien préparer leurs élèves et que même les programmes ont été épuisés. Selon son directeur, actuellement, les professeurs sont en train d'aider les élèves à faire la révision et se dit confiant quant à la réussite. Cependant, son responsable indique que les mauvais résultats peuvent dépendre du directeur, des enseignants, des élèves et même ainsi qu'aux parents d'élèves, tout en soulignant que le directeur doit être vigilant pour corriger tout ce qui ne va pas bien. S'agissant du fait que si le lycée communal de Guiheta n'obtienne pas de bons résultats cette année encore, il dit qu'il va céder la place aux autres. Le directeur communal de l'enseignement à Guiheta, Kabanyana Gérardine, fait savoir que les mauvais résultats des écoles de la commune de Guiheta sont dus au manque criant de professeurs ainsi que de livres, surtout ceux de la première année post-fondamentale, qu'ils ont eu tardivement et en quantité insuffisante. Ce directeur communal de l'enseignement demande au ministre ayant l'éducation et la recherche scientifique dans ses attributions de leur donner d'autres enseignants dans cette commune afin de pouvoir achever les programmes. Ce responsable de l'éducation dans la commune de Guiheta demande également que les livres pour la deuxième année post-fondamentale soient disponibilisés à temps. Sachez que dans cette commune de Guiheta, il y a le lycée communal de Guiheta, le lycée Lac de Kibimba et le lycée Reine de la Paix de Murayi qui viennent en dernière position dans le classement des tests nationaux de l'année passée. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur. Une grève des élèves du lycée Lutana ce matin a eu lieu ce matin. Ils dénoncent des coups et blessures leur infligées par le directeur d'internat, comme cela est arrivé à leurs camarades ce lundi et dont la bouche blessée a dû être suturée. Le directeur de cette école était en réunion quand on l'a cherché pour qu'il s'exprime à ce sujet. Et certains jeunes affiliés au sein des DFDD de Mabanda en commune et province et Rumonge sont accusés d'infliger injustement donnant des coups et blessures à certains citoyens de cette colline. Le commissaire provincial de la police, Arumongue, dit en avoir été informé et parle de malfaiteurs déguisés en Imbonerakure que la police recherche activement. Jean-Pierre Misago. Selon certains habitants de Mibanda, des Imbonerakure patrouillent la nuit, gourdin à la main, et mettent à tabac des citoyens paisibles, et ceci même la journée. Le cas le plus récent est celui du 3 juin courant, où un jeune Imbonerakure du CNDD-FDD, connu sous le nom de Kabouye, a blessé au genou un jeune lauréat des humanités à 10h du matin, l'accusant de n'avoir pas participé dans les travaux de développement communautaire. Le blessé a été conduit à l'hôpital de Rumonge pour des soins, mais il ne s'est pas encore complètement remis de sa blessure après sa sortie de l'hôpital, selon des sources sur place à Moussavé. À ce moment, un certain Augustin Dolaïdeb avait été dépêché sur place par des parlementaires batois pour plaider en faveur des batois qui se disaient malmenés par certains Imbonerakure de la place de la nuit. Il dit avoir demandé au chef de zone Kizuka de se rendre sur le terrain pour apaiser la tension, mais la réponse était que le carburant de sa moto lui manque cruellement et jusqu'aujourd'hui. Son téléphone portable sonnait sans quelqu'un pour décrocher quand on voulait qu'il réagisse. De son côté, au Pessin Andonassé Manirakiza, commissaire provincial de police à Rumonge, informe qu'il est au courant de cette situation. Pour lui, ce sont des malfaiteurs qui se prennent pour des Imbonerakure pour malmener la population paisible et dit que la police doit les arrêter, même s'ils se sont cachés ces derniers jours. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Isanganiro. Le journal continue. Le département de la pharmacie, du médicament et des laboratoires compte élargir le contrôle des médicaments jusqu'aux petites pharmacies. Le directeur de ce département du ministère de la Santé le dit après le constat qu'il y aurait des médicaments périmés emballés pour être commercialisés. Emmanuel Bamenye-Kanye dit avoir été surpris par les cas de contrefaçon découverts à Kinama en mairie de Bujumbura. Suivez Emmanuel Bamenye-Kanye au micro d'Alain Désiré Ukeyeneza. Normalement, les médicaments sont commercialisés dans des établissements autorisés par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Et on autorise ces établissements après avoir vérifié si le personnel qui travaille remplit les conditions techniques et financières pour pouvoir commercialiser les médicaments. Nous avons donc appris qu'à Kinama, on a constaté des gens qui recyclaient des médicaments périmés et ça nous a fortement surpris parce que au niveau de notre département, on ne savait pas que des choses pareilles existaient au Burundi. Comme nous l'avons constaté sur le terrain, ça se faisait dans un endroit qui n'est pas approprié justement pour la fabrication des médicaments et c'est vraiment des fabrications criminelles. Le danger est déjà là. Qu'est-ce que vous allez faire dans votre département? D'habitude, comme vous le constatez ici, j'ai des appareils dans l'harmonisation des politiques pharmaceutiques, mais qui nous servaient de contrôler la qualité des médicaments qui sont importés par les grands des pharmacies qui commandent les médicaments de l'extérieur. Mais ce que nous avons constaté à Kinama, ça nous a donné l'idée que nous allons étendre le contrôle de qualité des médicaments au niveau des pharmacies aussi périphériques et d'autres pharmacies qui se trouvent à l'intérieur du pays pour pouvoir nous assurer de la qualité des médicaments circulants. L'Ordre des pharmaciens du Burundi dit s'inquiéter de la multiplication des pharmacies au Burundi et qu'il y aurait de la fraude au niveau de l'importation des médicaments. Est-ce que vous en êtes au courant? Normalement, nous autorisons l'importation des médicaments à des établissements déjà agréés par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Quand ça arrive, c'est par des voies effectivement illégales et ça, c'est vraiment incontrôlable au niveau du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Ça nécessite une collaboration étroite entre les services des frontières, donc la police de l'air et des frontières et des étrangers, la collaboration avec les services de la documentation, la collaboration avec l'administration et les services de sécurité pour nous aider à traquer éventuellement les médicaments qui entreraient par des voies qui n'ont pas été autorisées par l'autorité du ministère de la Santé publique. C'était Emmanuel Bamenye-Kanye, le directeur du département de la pharmacie et du médicament et des laboratoires. La chasse aux albinos au Burundi a cessé depuis 3 ans. C'est du moins ce qu'a déclaré ce mardi Kazungu Kassim, le président de l'association Albinos sans frontières, au moment où le monde célèbre la journée internationale sur l'albinisme. Certains problèmes évoqués par les albinos burundais en cette date du 13 juin figurent le problème d'accès à l'éducation. Évariste Ndikowanyanga nous en dit plus. En cette date du 13 juin, où le monde commémore la journée internationale sur l'albinisme, les albinos burundais disent avoir beaucoup de problèmes dans leur vie au quotidien. Ils évoquent cependant parmi ces problèmes l'accès difficile à l'éducation. Ce jeune étudiant de Nyakabiga, mairie de Bujumbura, du nom de Platini Nahimana, tire une sonnette d'alarme. Aujourd'hui c'est facile, mais avant c'était difficile. Mais comme aujourd'hui c'est facile, c'est parce qu'on avait beaucoup sensibilisé les enseignants, les professeurs, quoi, nous les avons beaucoup sensibilisés et leur montré que les albinos sont des êtres humains comme les autres et ils ont droit à l'éducation. Alors nous les avons priés de faciliter aux élèves albinos pour faire tout, qu'ils se sentent bien en classe et qu'ils étudient comme les autres élèves. Les albinos burundais trouvent en cette date que la chasse aux albinos a cessé au Burundi il y a 3 ans. Mais Kazungu Kassim, président de l'association Albinos sans frontières, craignent toujours une répression car ces actes barbares sont toujours signalés de l'autre côté de la Tanzanie. Aujourd'hui, je dirais, il y a presque 4 ans que ça a terminé. Et chez nous, dans notre pays, je dirais que ça va un peu pour nous, sauf les gens qui sont à la frontière, qui ont peur parce que là-bas, en Tanzanie, ça continue. Et d'autres pays, ça continue. Par exemple, le Congo, on a massacré en 2016. Et aussi le Malawi. Alors pour nous, dans notre pays, ça va. Nous disons merci. Mais on continue à prendre nos gardes pour qu'on ne puisse pas encore tuer un enfant albinos dans notre pays. 22 albinos ont été tués au Burundi entre les années 2008 et 2009. Fait savoir Kazungu Kassim, c'est au moment où le Burundi ne compte que près de 600 albinos. Merci Évariste. Les cérémonies de commémoration du 22e anniversaire des massacres des étudiants a été organisée par l'Université du Burundi et dans différents campus de cette institution. Dans son discours, le lecteur de l'université a indiqué que de tels crimes ne doivent pas être oubliés ou minimisés. Quant au prêtre qui a célébré la messe, les connaissances acquises à l'université devraient contribuer au renforcement des droits de l'homme. C'est un reportage de Charles Makoto. Dans cette activité de commémoration du 22e anniversaire des massacres dans différents campus universitaires, le recteur de l'université fait savoir que de tels crimes ne peuvent pas sombrer dans l'oubli. Ce jour, comme le disait le prêtre dans son homélie, est dédié à la commémoration des massacres d'étudiants de l'Université du Burundi au sein des campus universitaires et principalement le campus Mutanga dans la nuit du 11 au 12 juin 1995, puis dans le campus Kilili le mois suivant et au campus Zéni une année après. De tels crimes ne peuvent et ne doivent pas tomber dans l'oubli et encore moins être banalisés. La communauté universitaire a le devoir d'en tirer toutes les conséquences. François-Xavier Nsabimana, rescapé de ces massacres, demande l'implication des intellectuels de l'Université du Burundi pour que les noms des victimes soient connus. Il demande également la réparation des biens pillés. Avant la messe, les gerbes de frères ont été déposés au mausolée de l'unité se trouvant au campus Mutanga, une fosse commune selon certains, où les corps des victimes ont été jetés. Isanganiro, la radio. Continuons ce journal en nous rendant dans la province de Bubanza où le représentant de la Ligue des Jeunes, Imbonerakure, du sein des DFDD de la commune Gihanga de cette province, est porté disparu depuis jeudi de la semaine passée. Hakizimana Pasteur, connu sous le nom de Chiza, était embarqué par des personnes qui étaient à bord d'une camionnette à vitres teintées alors qu'il était à son domicile. Ses téléphones ont été éteints après le départ des ravisseurs. Ces informations sont des habitants de la la vie du village 6 où il logeait. Cela est également confirmé par l'administrateur communal ainsi que le représentant de la Ligue des jeunes Imbonerakure au niveau provincial. Spes Caritas Kawanyana. Hakizimana Pasteur, connu sous le sobriquet de Twiza, habitait au village 6 de la commune Kihanga. Il reste sans nouvelles depuis jeudi de la semaine passée. Les habitants de ce village racontent qu'il a été embarqué dans une camionnette double cabine à vitres teintées qu'il a trouvé à son domicile au village 6. Et les gens qui étaient à bord de ce véhicule sont partis avec lui. Dans un instant, ce téléphone était déjà éteint, selon la même source. Kouimana Méthode, représentant la Ligue des jeunes Imbonerakure au niveau provincial, confirme l'information et précise qu'on est en train de le chercher dans une réunion de sécurité tenue par l'administrateur de la commune Gihanga ce lundi au village 6. Le représentant de ce village a soulevé la question, disant que Hakizimana Pasteur reste sans nouvelles après avoir été embarqué dans une camionnette par des gens qui n'ont pas été identifiés. Hakizimana Pasteur est la deuxième personne partie de cette façon dans un délai ne dépassant pas 3 semaines après Eric Nirandekura de la colline Rovira en commune Manda qui a été enlevé vers la fin du mois passé et qui reste sans nouvelles jusqu'aujourd'hui. Pescaritas Kawanyana, Kubanza, Radio Isanganiro. Merci, Spes. 5 pays africains n'effectuent toujours pas de tests de dépistage sur toutes les unités de sang afin de détecter les principales infections transmissibles telles que l'hépatite et la syphilis. Cela est contenu dans un message de la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, sorti ce mardi à la veille de la célébration de la Journée mondiale du don de sang. Le nombre de dons de sang est passé de 3,9 millions à 4,5 millions d'unités de 2013 à 2016. Le manque de réactifs et de consommables essentiels pour la sécurité transfusionnelle est évoqué dans cette déclaration comme cause de la non-détectation de ces maladies. Mireille Kanyang revient sur ce message. Dans ce message, la directrice régionale de l'OMS rappelle que la transfusion sanguine est un élément essentiel des soins d'urgence et que la population doit être sensibilisée aux dons de sang volontaires et réguliers pour maintenir un stock de sang et de produits sanguins suffisants dans les services de transfusion sanguine. Que pouvez-vous faire? Donner du sang, donner maintenant, donner souvent est le thème retenu cette année car la région africaine, selon cette déclaration, est la plus touchée par les crises et les flambées, notamment l'épidémie de maladies à virus Ebola, les accidents de la route, les conflits armés et les catastrophes naturelles ou d'origine anthropique. Ces situations d'urgence augmentent la demande en transfusion sanguine et rend son exécution difficile. De nombreuses victimes de ces crises, poursuit ce communiqué, décèdent en raison du manque de sang et de produits sanguins ou risquent d'être infectées suite à une transfusion de sang non sécurisée. Cependant, des progrès remarquables tendant à améliorer la disponibilité et la sécurité du sang dans la région africaine ont été récemment réalisés, dit-elle. La collecte de sang auprès de donneurs de sang volontaires, réguliers et non rémunérés s'est avérée plus sûre, plus efficace et plus efficiente que les dons de compensation familiaux. Selon toujours cette déclaration, le nombre de dons de sang a grimpé entre 2013 et 2016 dans la région, passant de 3,9 millions à 4,5 millions d'unités. Cependant, cette quantité satisfait uniquement à près de 50% des besoins annuels en sang et produits sanguins. Malgré ces progrès, il subsiste des lacunes considérables dans certains pays et sous-régions, notamment en ce qui concerne le taux de mise en œuvre des politiques, la coordination des services de transfusion sanguine et la législation. D'après toujours cette déclaration de la directrice régionale de l'OMS à la veille de la célébration de la Journée mondiale de don de sang, 5 pays n'effectuent toujours pas de tests de dépistage sur toutes les unités de sang afin de détecter les principales infections transmissibles par transfusion telles que l'hépatite C et la syphilis en raison du manque de réactifs et de consommables essentiels pour la sécurité transfusionnelle et du fait de l'absence de système de gestion de la qualité dans plusieurs services de transfusion sanguine dans la région. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. À l'international, aux États-Unis, la Cour d'appel de Californie a rejeté lundi le second décret immigration de Trump. En Russie, le président Vladimir Poutine choisit la manière forte face aux manifestants qui s'opposent contre le pouvoir et la corruption. Au Malawi, les albinos sont persécutés. Vitana Barthélémy. Ce mardi 13 juin est la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, maladie suscitée par un défaut de production de la mélanine, cette substance qui donne sa couleur à notre peau. Au Malawi, où la population d'albinos est évaluée entre 7000 et 10 000 personnes, le pays connaît une recrudescence d'attaques contre cette communauté. Selon Amnesty International, 18 albinos ont été tués et 15 kidnappés depuis novembre 2014. En Russie, Vladimir Poutine ne fait décidément pas dans la dentelle avec ses opposants. Plus de 1500 d'entre eux ont été arrêtés lundi 12 juin à travers tout le pays en marge de nouvelles manifestations contre les pouvoirs et contre la corruption. Parmi eux, l'opposant numéro 1 à l'homme fort du Kremlin, Alexei Navalny, condamné à 30 jours de prison, la peine maximale encourue. Selon la RFI, il a été coupable d'avoir appelé à des rassemblements n'ayant pas été autorisé par les autorités. À moins d'un an de la présidentielle, le président russe ne cède rien. Vladimir Poutine a signé un décret interdisant toute manifestation depuis le 1er juillet et pour la période de la Confédération dans ce pays. Aux États-Unis, la Cour d'appel de Californie rejette le second décret immigration de l'administration Trump. Les tests voulaient interdire d'entrer sur le sol américain les ressortissants de six pays dont l'Iran, Syrie, Yémen, Somalie, Soudan et Libye. Les magistrats californiens, comme c'est dit Maryland, Hawaii, estiment que ce décret est discriminatoire et contraire à l'esprit de la Constitution. C'est une décision prise à l'unanimité par les trois juges de la Cour d'appel de Californie. Radio Isanganiro Chronique. La chronique de ce mardi nous parle des oreillons, une maladie virale surtout infantile. Le virus de cette maladie se transmet par la salive, comme l'indique le pédiatre Léopold Barutwanayo. Les oreillons peuvent être graves chez les adolescents et les adultes, mais sont le plus souvent bénignes chez les enfants. La chronique santé, c'est avec Francine Ndeokugayo. Les oreillons sont une maladie infectieuse virale très contagieuse. La maladie touche le plus souvent les enfants, d'après le pédiatre Léopold Barutwanayo. Le virus des oreillons se transmet par la salive, comme il l'explique. Quand une personne est en contact avec une salive d'une autre personne qui est infectée par le virus, et qu'en parlant, les gouttelettes de salive, l'autre personne entre en contact avec ces gouttelettes de salive, le virus va se multiplier au niveau de la bouche, au niveau pharyngé, et puis après quelques jours, le virus va se disséminer dans le sang et provoquer les symptômes qui sont en rapport avec cette maladie. C'est une maladie hautement contagieuse. Les oreillons touchent plus particulièrement les enfants que les adultes, car la personne déjà touchée acquiert une immunité pour le reste de sa vie. Elle concerne les enfants de 2 à 12 ans, avec un pic vers 4 et 5 ans. C'est par contre une maladie aussi qui peut toucher les adolescents ou même les adultes, même les vieilles personnes. C'est une maladie qui est immunisante. Une maladie immunisante, c'est-à-dire que c'est une maladie qui, quand on l'attrape, le corps développe des anticorps qui vont faire que l'organisme va se défendre ultérieurement s'il devait rentrer en contact avec ce microbe. Et du coup, comme c'est une maladie très contagieuse et que la plupart des personnes ont déjà été en contact avec ce microbe, ils ont forcément développé une immunité qui fait qu'effectivement les personnes adultes, du moment qu'on estime que pour la plupart, ils ont déjà été en contact avec ce virus. Le pédiatre Léopold Barutwanayo nous parle des signes qui caractérisent cette maladie. Il s'agit d'un gonflement des ganglions qu'on appelle les parotides. Les parotides sont des glandes qui fabriquent la salive, qui sont en dessous des oreilles, un peu plus en avant, et qui gonflent, qui deviennent douloureux. En plus de ça, il y a de la fièvre, on peut avoir des maux de tête qu'on appelle les céphalées dans le langage médical. On peut avoir des courbatures comme dans toute autre infection virale. On peut faire aussi des vomissements. Une maladie bénigne, mais qui, dans certains cas, peut entraîner des complications graves, surtout chez les adultes. Surtout les jeunes adultes.